penses à moi quand je suis pas là. Tu es ma force et ma lumière. Moribond, moribonde, se perche sur ses branches pour que tous yeux de ce monde deviennent stars du dimanche. Ces moineaux s'exhibent, tentent le pouls d'une foule, se mettent à nu et décident de mettre leur âme sur Facebook. Ils décorent leurs personnes espérant qu'on les louange. Les nuits, ils rêvent de couronnes, de châteaux en faïence. C'est une évasion barbare, c'est peut-être même les Russes. L'internet me fait croire qu'on est tous un virus. Le privé est comme mort, on dévoile nos adresses, c'est comme un free-for-all. Pour les services secrets, combien de moineaux font l'ermite? Je clique donc j'existe sous les tentacules de la toile. Je crois qu'on est tous une victime. Il faut que je brise mes cathèdres du cybermonde affectif. Il faut que je brise mes caprices. Tout devient superflu, tout devient une parade. Tu regarderas sur ton flux, tout est une mascarade. La mode, c'est de faire semblant, porte-chemise d'attitude. Mais derrière nos sous-vêtements, on est plein de solitude. On divise le people sans solution prescrite. On est tous des îlots, je dirais même des presqu'îles. On n'est pas seul, puis on sait, je sais que quelqu'un nous comprend. C'est pour ça que je reste fixé tous les jours sur l'écran. Je veux qu'on check mon profil, puis je pense pas que ça t'étonne. J'oublie que les saisons défilent, j'ai déjà manqué l'automne. Je suis connecté au monde, le monde entier, c'est pas rien. C'est ironique parce que dans le fond, je connais même pas mon voisin. Je suis un oiseau qui se nourrit d'un clavier, d'une souris. J'ai peur qu'un jour on m'oublie sans l'appareil. Je suis tout petit, combien de moineaux font l'ermite? Je clique donc j'existe sous les tentacules de la toile. Je crois qu'on est tous une victime. Il faut que je brise mes cathèdres du cybermonde affectif. Il faut que je brise mes caprices du cybermonde affectif. Pouvoir s'envoler, va se libérer, libérer. Sous la chaleur de ce désert se réalise ta légende. Les douleurs sont éphémères et les leçons sont émergentes. La nature, mon ami, a vaincu tous les temps. Si l'émotion t'envahit, tu ne sauras jamais comment, jamais comment, jamais comment t'évader. Vouloir s'envoler, on ne revoit que son passé. Pouvoir s'évader, on ne croit pas se libérer. Pouvoir s'envoler, on ne revoit que son passé. Pouvoir s'évader, on doit se libérer, libérer. En solo dans les nuages, m'envolant dans l'azur. Libéré par mon courage, je plane vers mon futur. En solo dans les nuages, m'envolant dans l'azur. Libéré par mon courage, je plane vers mon futur. Vouloir s'envoler, on ne revoit que son passé. Pouvoir s'évader, on ne croit pas se libérer. Vouloir s'envoler, on ne revoit que son passé. Pouvoir s'évader, on doit se libérer, libérer. Vouloir s'envoler, on ne revoit que son passé. Pouvoir s'évader, on ne croit pas se libérer. Pouvoir s'envoler, on ne revoit que son passé. Pouvoir s'évader, on doit se libérer, libérer. Sur la page Facebook de Canrock, CANROCK, vous avez un lien pour Alexandra Strelitzky, qui a été faire un tour à Toronto pour un entretien avec l'émission Q, qui parle de sa carrière. Bon, elle est passée de pianiste inconnu à pianiste chouchou de Jean-Marc Vallée. Et bon, ça va très bien pour elle. Il y a un nouvel album qui arrive cet automne, donc à surveiller. On va entendre un petit doublé de Alexandra Strelitzky, soit Prélude et le départ de son album Pianoscope. Que, bon, ça fait une petite secousse que c'est sorti, au moins presque 7-8 ans. Donc, on va entendre ces deux chansons-là, ou ces deux pièces instrumentales-là. Par la suite, un autre doublé, celui de Maurice-André Aubin, qui on va entendre les pièces « La belle s'est endormie » et « Prince de guerre ». Mais pour l'instant, voici « Prélude » Alexandra Strelitzky.